On parlait des Aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau, les Aigles qui ont gagné en fin de semaine un tournoi. Une des équipes des Aigles a gagné un tournoi. Salut Simon. Salut Danny. Oui, Simon, une de tes équipes qui a gagné un gros tournoi que j'ai vu passer ça sur les médias sociaux. Oui, notre équipe M15 de 2 a remporté les honneurs au tournoi Pee-wee Bantam M13 M15 de Saint-Félicien. OK, donc c'est un beau tournoi cette année. Il y avait quand même pas mal de compétitions aussi, une quarantaine d'équipes que j'ai pu voir. Oui, il y avait beaucoup de. Il y avait énormément d'équipes là. C'était un beau mix entre le hockey civil et le hockey scolaire. Il y avait plusieurs classes. Puis dans notre catégorie, on était 7 équipes, je crois, de différentes ligues. Là. C'était intéressant. Il y avait de la LHPS, des équipes de la métropolitaine, de la LHIQ puis de la RSEQ. Fait que ça permettait de voir un peu qu'est-ce que c'était quoi un peu les autres différentes ligues. Puis en étant là, sur le comité provincial là, avec d'autres. Avec différents gestionnaires de différentes ligues, ben ça c'est intéressant de voir dans le fond là, qu'est-ce que l'hockey scolaire peut donner aussi dans quelques années. Là. OK. Donc, contre quelle équipe vous avez gagné? On a gagné contre les Dragons du Collège Saint-Anne en finale là, par la marque de 3-0. Là. OK. Puis donc, par la suite, ça a été un petit peu plus facile. Y a-t-il un match que tu as eu plus de difficultés? Oh oui, vraiment. Écoute, on a vécu beaucoup d'adversité dans ce tournoi-là. Notre premier match, le jeudi soir, on a affronté le Collège de Lévis. Puis nous, de notre côté, on n'avait pas perdu de match depuis le mois de novembre. On avait gagné le défi au mois de décembre. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas connu la défaite. T'sais, on a eu des verdicts nuls et tout ça. Fait que cette défaite-là de 5-2 là, a été quand même dure sur le moral, mais nous a fait du bien en même temps. Donc, j'ai parlé beaucoup de l'attitude de nos joueurs depuis qu'on avait gagné le défi. Je trouvais qu'on était un petit peu au-dessus de nos affaires. Puis, dans le fond, là, ça nous a fait un petit reality check, cette défaite-là. Puis, on a bien répondu par la suite, là. En affrontant l'Assomption, on a gagné 1-0. On les a affrontés en quart de finale le lendemain. On les a battus également dans un match avec beaucoup d'adversité. Puis en demi-finale, on a affronté l'Arsenal. On a gagné 2-0. Puis dans les quatre derniers matchs, là, on a accordé seulement un but. Là. Donc notre duo de gardien de but a remporté les honneurs du meilleur duo. Puis Noah Buckle-Robertson a été élu défenseur du tournoi de sa catégorie. OK. Donc, est-ce que c'était la fin de la saison pour votre équipe? Non, pas du tout. Dans le fond, là, c'était quasiment une reprise là, de notre côté. OK. Depuis la relâche, là, dans le fond, là, c'est en fin de semaine, là, on est en action. Il nous reste encore quelques matchs. La saison finit le 30 mars de notre côté. Ensuite de ça, ça va être les séries éliminatoires. Puis, en fin de semaine, on a une belle activité. Là. C'est la collecte des aigles. Donc, on va ramasser de l'équipement usagé là, pendant toute la fin de semaine au Centre sportif Benoît Lévesque. Les gens qui vont venir nous porter du matériel, on va remettre des poches de hockey au hockey mineur puis des patins dans les écoles avec le matériel qu'on va ramasser. Donc, ça peut aider à initier les jeunes à jouer au hockey puis à faible coût, dans un sens, ben on va essayer de contribuer. Ouais, c'est rendu tellement cher, là, OK, c'est incroyable. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, OK. Les autres équipes? Dans le fond, notre M13, eux, de leur côté, là, se sont inclinés en demi-finale, dans un match très serré, là, 4-3 contre une équipe de Green Bay. C'est eux qui ont remporté le tournoi. Donc, un petit peu amer quand tu vois que t'as passé aussi proche, puis que après ça, ça a été que tu vois l'autre équipe gagner. Notre M15-2B, eux, dans le fond, ont eu beaucoup d'adversité. On connaît des bons matchs, connaît des bons moments, mais ça n'a pas viré pour eux. Ils ont eu 3 défaites, donc ils ne se sont pas classés. Puis notre M18-2 était à leur défi à Saint-Hyacinthe. Un beau tournoi dans l'ensemble, puis dans le fond, il y avait des valeurs de saison aussi à l'intérieur, donc on est allé chercher une victoire de saison, puis on s'est incliné lors du match décisif là, à la fin dans un filet désert. Okay. Donc, de leur côté, là, ça a été ça. Nos 4 équipes étaient en action là, dans différents lieux en fin de semaine passée. Simon, on s'en reparle bientôt. Oui, ça marche. Merci, Danny. Simon Godreau des Aigles de Roberval.